Bonjour à tous et bienvenue. Ici Cédric Michel pour vous accompagner dans une méditation de pleine conscience. Cette méditation est accessible aux débutants ainsi qu'aux pratiquants plus avancés. Et avant de plonger complètement dans cette expérience de pleine conscience, je vous invite à cliquer sur le bouton « s'abonner » si ce n'est pas déjà fait, afin de pouvoir être informé librement dès la sortie des nouvelles vidéos. Et pour commencer, observez votre respiration. Sans forcer, observez votre respiration naturelle. Vous êtes conscient de chaque inspiration et de chaque expiration. J'inspire et je sais que j'inspire. J'expire et je sais que j'expire. Inspire, expire. Bonjour Eric Rommeluer. Bonjour Adèle Vendrette. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Merci beaucoup de m'accueillir. On vous doit plusieurs ouvrages sur le bouddhisme. Vous êtes aussi enseignant de la tradition zen, bouddhiste, pratiquant. Est-ce que vous êtes abonné à la chaîne de Cédric Michel ? Absolument pas. C'est pas faute de l'avoir précisé, hein, vous l'avez entendu en début de vidéo. Alors, vous êtes ici dans le cadre d'une série d'émissions sur le bouddhisme. On s'interroge sur les rapports entre bouddhisme et philosophie, bouddhisme et religion. Quelle différence ? Ça va être le sujet de cette émission aujourd'hui. Quelle différence entre la méditation bouddhiste telle que vous la pratiquez et ce qu'on vient d'entendre ? Vaste débat. La méditation de pleine conscience, donc, qui se développe depuis quelques années, voire même quelques dizaines d'années, est une version, on pourrait dire, laïcisée, simplifiée, de techniques qui relèvent à la fois du bouddhisme, mais aussi d'autres traditions, notamment yogi. Toute la difficulté étant que aujourd'hui, méditation est un mot un peu fourre-tout et que, alors le terme n'existe pas en tant que tel, puisqu'on adopte un terme du vocabulaire chrétien à l'origine. Et même dans le bouddhisme, il y a toute une grande variété de techniques, de méthodes, parfois très différentes, avec aussi des buts différents. Donc, il faut toujours bien dire méditation de pleine conscience, vraiment pour identifier. Et c'est ce qu'on vient d'entendre. Tout à fait. D'accord. Parce que parfois on dit simplement méditation. Il y a tout un panel de méditation. Aujourd'hui, je viens vous parler du zen. Et par exemple, le zen a une approche très différente des autres traditions bouddhistes, par exemple sur la méditation. Alors, on a envie d'en savoir plus. Déjà, avant de s'interroger sur la spécificité de la méditation dans le zen, dites-nous ce qu'est le zen. Aujourd'hui, c'est un adjectif. Hein, oui, zen, je dirais que c'est une vision ou une pratique radicale du bouddhisme. Le bouddhisme est traversé de multiples courants, de pratiques, de visions, de conceptions. Et je considère, et j'ai appris la tradition zen comme étant, on pourrait dire, cette version la plus radicale, qui consiste finalement à abandonner le bouddhisme. C'est, on pourrait dire cela, la manière la plus directe et la plus simple de dire cela. Dans cette tradition, on part d'un dialogue primordial du grand enseignant dont on dit qu'il emmène le zen d'Inde en Chine, puisque c'est une tradition chinoise à l'origine, même si on la connaît sous la version japonaise. Et tout part d'un dialogue où cette personne, qui s'appelle Bodhidharma, vient devant l'empereur. L'empereur le questionne, ne comprend pas ce que lui raconte ce moine. C'est insaisissable et à la fin, il lui dit « Mais qui êtes-vous ? » Et le moine lui répond « Je ne sais pas. » Et ce « je ne sais pas » est le départ de cette tradition, c'est-à-dire de dire à chaque fois que l'on va savoir, à chaque fois que l'on va identifier, à chaque fois que l'on va concevoir, que l'on va appréhender, on ne touche pas le cœur de la réalité. Est-ce que ça veut dire que la réalité est de l'autre côté, celle de la négation, ou entre les deux dans un doute ? Ni l'un ni l'autre, je dirais qu'elle est dans une part d'indicible, mais l'indicible n'est pas hors du dicible. C'est cette part qui est toujours à la limite du dicible, puisque nous sommes des êtres de langage, et le bouddhisme accorde une très très grande importance au langage. C'est, on pourrait dire, un point fort qui est peu souligné, que son, on pourrait dire, son tout le travail, toute sa réflexion tourne autour du langage. Le langage, puisqu'on est dans une émission de philosophie, on peut employer quelques mots philosophiques. Peut-être certains de nos auditeurs ont lu Bergson ou Yankelevitch, qui parlaient de l'organe obstacle, hein, une conception qui leur a été chère. Et pour les bouddhistes, le langage est un peu l'organe obstacle. Dites-nous ce que c'est que l'organe obstacle. C'est ce qui nous permet de faire, de toucher, et en même temps ce qui nous empêche. Et de dire que le langage est une, on pourrait dire, l'organe de notre rapport à la réalité. Si je n'ai pas cet appareil, ce langage, je ne peux pas vivre, tout simplement. J'ai besoin de savoir qu'il y a du haut, du bas, que vous êtes devant moi, que je suis ici. Et en même temps, la réalité nous échappe. C'est voilà. Un obstacle. Et en même temps, si le langage existe, c'est donc bien que je n'ai pas complètement accès à la réalité. Tout à fait, tout à fait. Et donc, il y a tout un travail, et je pense que pour bien comprendre le bouddhisme, et pour moi le zen, qui est sa version la plus radicale, c'est cette notion même de langage. Est-ce ce que le Bouddha dit, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est, par exemple, on parle souvent dans le bouddhisme, dès qu'on lit quelques livres, on parle de renaissance ou de réincarnation. Est-ce que lorsque le Bouddha parle de la renaissance, est-ce que c'est vrai? Et je pense que là, pour saisir vraiment l'essence du bouddhisme et aussi du zen, il faut bien entendre que dans ces traditions, il n'y a pas de notion de vérité. Toute la pensée occidentale depuis Platon s'est construite sur cette notion. Il y a d'un côté le vrai et de l'autre côté l'imaginaire ou la fiction. Dans le bouddhisme, c'est quelque chose de différent. C'est-à-dire que ce n'est pas la question de la vérité, c'est la question de l'efficacité. Et donc le discours ne dit pas la vérité. Elle dit ce qui est efficace pour le changement. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une réalité en dehors du langage ou que la réalité se ramène au langage? Ni l'un ni l'autre dira. Donc le dira. Mais vous Bouddha dites non à tout ce que je propose parce oui, que c'est oui, parce que c'est aussi parce que cette le manière il y a une propédeutique, c'est-à-dire de dire une pédagogie à essayer de dire à chaque fois que l'on va vouloir expliquer, rationaliser, on est en dehors. Donc on va toujours essayer de vous déporter dans un lieu où il y a une sorte de d'effondrement intérieur de toutes ces représentations, de dire d'être dans un en-deçà ou dans un au-delà du langage, pour en fait ne pas en être l'esclave, puisque nous sommes aussi des êtres de langage. Lorsque je vis, je fonctionne par le langage. Mais tout le propos du bouddhisme et aussi du zen, c'est de dire, pouvons-nous vivre dans cette réalité sans être, on pourrait dire, entravés par un certain nombre de fonctionnement intérieur, qui se matérialise aussi, qui se vit, qui s'incarne dans notre langage. Je suis prête à vivre cet effondrement dont vous parlez. On verra si au terme des 50 minutes que nous allons passer ensemble, Eric Rommelier, il arrivera. C'est peut-être pas si rapide. Je vous propose d'entendre la voix de quelqu'un à qui, sans doute, vous n'allez pas dire non, ni opposer une objection. C'est quelqu'un que vous connaissez bien, un moine zen japonais. Je vous laisse l'écouter, puis vous nous direz qui c'est ensuite. Le zen est une forme de méditation, mais qui se différencie des autres méditations. À l'époque moderne, la méditation est extrêmement importante face au matérialisme. Le zen n'est pas seulement une méditation, c'est zazen, la pratique de zazen. Ce n'est pas uniquement une philosophie. Bien sûr, il y a une philosophie qui sous-tend le zen, mais on ne peut pas exprimer la vérité du zen par le langage. Zen philosophy is about consciousness. La philosophie du zen concerne la conscience. Thinking by body. C'est la pensée par le corps. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, dans le cadre de cette série d'émissions sur le bouddhisme. Aujourd'hui, sur le bouddhisme zen, en particulier la méditation, en compagnie d'Éric Rommelier. Qui est la personne que nous venons d'entendre, Éric Rommelier? Nous avons entendu deux personnes. Oui, bien sûr. Et donc, je pense à la traductrice qui s'appelle Anne-Marie Fabreau. Et vous n'avez pas reconnu la voix de la personne qui a traduit? Si, bien sûr, parce que là, vous, c'est l'émission nostalgique que vous me faites. Hein. Ah, c'est en 1977, dans La matinée des autres sur France Culture, et on a entendu la voix de celui qui était votre professeur. Non, on va pas dire professeur, justement, parce que un professeur est c'est celui qui enseigne, c'est-à-dire qui apporte un savoir. Je peux plus poser cette question parce que vous direz non à chaque fois. Non, exactement. Donc, il s'appelait, puisqu'il est décédé en 1982, Taisen Deshimaru, qui est, celui qui a introduit le zen en France et qui est un des premiers à avoir introduit même le bouddhisme zen en Occident, même s'il y a d'autres moines qui sont arrivés, notamment aux États-Unis. Mais en France, il était le premier japonais. Mais quand on dit qu'il vous a formé, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez suivi un enseignement théorique? Ah non, pas du tout. C'est surtout Taisen Deshimaru avait une pédagogie, c'est-à-dire que chaque... En fait, tout le propos du zen, c'est comment sortir de nos modes de représentation. Et nos modes de représentation ont une fonction, c'est de nous sécuriser. Et tout le propos du bouddhisme, c'est-à-dire nous sommes habités par les peurs et par les toutes ces choses. Et comment assumer et vivre sa fragilité, sa vulnérabilité sans peur. Et donc il y a des pédagogies qui sont diverses, et celle de Maître Deshimaru était de toujours pousser la personne dans les lieux où il n'irait jamais, d'affronter ses peurs. Et donc pour moi l'éducation, donc j'étais un jeune garçon qui avait 17-18 ans, sa pédagogie à lui, il en avait beaucoup, mais en ce qui me concerne, c'était de me demander d'être cuisinier dans un restaurant dont il était le propriétaire. Je me suis retrouvé du jour au lendemain à faire la cuisine pour des gens qui payaient, qui mangeaient toute une variété, et je n'avais jamais appris de ma vie à faire la cuisine. Quelle était l'idée ? Bah de se placer dans une situation où finalement on n'a pas peur. Est-ce que c'est cette proposition, qu'est-ce qu'on en fait? Alors dans le zen, il y a toute cette dimension du maître et du disciple, c'est-à-dire que la relation n'est pas celle d'un professeur qui est un professeur de savoir, mais c'est celle d'un maître de vie, pour employer aussi une expression dans notre horizon qu'utilisait Maître Eckhart, un maître de vie qui enseigne, mais en plaçant ses disciples ou ses proches dans des situations où ils vont vivre d'autres expériences que celles qu'ils attendent pour oser autre chose. Alors même on pourrait dire oser l'inconcevable. On dit, il y a cette célèbre histoire zen, où on dit la pratique du zen consiste à monter en haut d'un mât de 100 pieds, mais en haut d'un mât de 100 pieds, on n'est toujours pas arrivé, il faut encore sauter dans le vide. On a appris cette semaine qu'il y avait des vérités dans le bouddhisme dont nous avons parlé jusqu'à présent. Dans les sutras du cœur, on trouve 4 vérités. Il y a l'idée de la souffrance, il y a l'idée de l'origine de la souffrance, il y a la tentative d'éteindre la souffrance, et puis le chemin que l'on peut suivre pour s'en sortir. Dans le bouddhisme zen, c'est l'inverse. Il n'y a pas de vérité. Effectivement, et c'est là où c'est très intéressant de souligner. Je crois que l'histoire du bouddhisme est traversé par une tension interne entre, alors je parlerai pas de vérité parce que je pense pas que ça soit un concept opérant, même si effectivement on dit les 4 nobles vérités. Oui. En fait, quand on regarde le terme, c'est les 4 nobles, ou plutôt les 4 réalités des nobles, si on veut être très très exact. Donc la notion même de vérité est déjà une difficulté. Mais je dirais que il y a une tension interne, c'est-à-dire entre le bouddhisme est-il une métaphysique ou est-ce que c'est autre chose? Et il y a effectivement tout un pan du bouddhisme qui va vers la métaphysique et qui essaye de construire une conception ordonnée, sensée, de l'essence même du monde. Et puis, il y a une autre tout un autre versant, et c'est pas simplement le zen, mais c'est toute une tradition qui est née en Inde, qui est une tradition dite de réforme, qu'on appelle le grand véhicule, qui essaye de couper court. C'est-à-dire que le bouddhisme, pour ces hommes, pour ces femmes, n'est pas une métaphysique, mais c'est juste un dispositif de changement. Donc c'est des discours, des méthodes, mais qui n'ont pas pour fonction de dire une réalité, mais de provoquer des changements. Le changement étant sortir de notre confusion, de nos frustrations, de nos illusions. Et ce n'est pas plus que ça. Mais c'est quand même, oui, c'est quand même quelque chose, mais ça veut dire qu'il y a un but poursuivi, une intention, celle de se défaire. Et c'est là aussi où... Je croyais vous avoir entendu dire au contraire, il n'y avait pas de but. Mais là, vous touchez aussi vraiment des points essentiels, si peu mis en valeur. Parce qu'effectivement, les bouddhistes se sont posé la question, c'est est-ce qu'on recherche ou est-ce qu'on ne recherche pas? Et par exemple, il y a un texte qui s'appelle le Sutra de Vimalakirti, qui est un des plus beaux textes de cette tradition du grand véhicule, qui est la plus radicale, et qui dit « si vous cherchez le dharma, vous ne le trouverez pas. Mais si vous ne le cherchez pas, vous ne le trouverez pas non plus. » Donc c'est des formules qui sont très paradoxales, mais qui disent aussi quelque chose. Donc le propos, ça va être toujours d'être dans cette tension, ou plutôt dans cette contradiction qui n'est pas une contradiction qui... La contradiction, en général, ça pose problème, parce qu'on est soit d'un côté, soit de l'autre. Mais de dire, de vivre une contradiction non résolue, et que ça, c'est parfait. La contradiction non résolue est l'état dans lequel voilà. Vous pouvez vous sentir être bien. Être de chercher sans chercher. C'est exactement le propos, en tout cas le propos de ma vie, par exemple. Je cherche sans chercher. Vous vous pratiquez? Ah oui, j'essaye de... La pratique, alors qu'est-ce que c'est que la pratique? La pratique, c'est pas un petit moment dans la journée où on va dire, tiens, je vais faire un bout de pratique, et puis le reste, ça sera pas de la pratique. Pour un bouddhiste, 24 heures de sa vie est une pratique. Dans la tradition zen, par exemple, on a un texte d'un maître zen qui s'appelle Dogen, explique la vie du moine. Et 24 heures de la vie du moine. Et ça commence par on va aller se coucher. Donc, ça commence par la pratique, c'est aller se coucher. Donc, nous, on ne penserait pas de cette manière. Mais leur journée commence en allant se coucher. Donc, la pratique, c'est à chaque instant, est-ce que nous pouvons vivre une expérience de libération intérieure où il n'y a plus de frustration, de confusion, d'addiction, toutes ces choses-là. Voilà, donc la pratique, c'est de tendre, parce que est-ce que ça veut dire que l'on est dans cet état à chaque instant? Pas forcément, et peut-être rarement, mais en tout cas, un pratiquant bouddhiste, c'est celui qui, dans chaque instant, essaye de tendre et de se remémorer ses enseignements. Mais alors, quelle différence avec le stoïcisme? Vous me posez une colle, je ne connais pas assez le stoïcisme qui pour... Qui prône également le détachement vis-à-vis des causes extérieures qui pourraient m'affecter en vue d'un détachement qui me permettrait d'atteindre une forme d'harmonie, de sérénité. Tout à fait. Alors, je ne connais pas assez, j'ai pas assez étudié les philosophes grecs. Je sais que beaucoup d'auteurs ont trouvé qu'il y avait un pont très clair entre stoïcisme et bouddhisme, voire même à essayer de voir des généalogies que les stoïques, justement, auraient appris auprès de moines bouddhistes. Je suis assez un peu démuni pour vous répondre en profondeur sur ce sujet. Mais vous parlez de moines bouddhistes et c'est important de préciser que dans le bouddhisme, il y a les moines, il y a ceux qui pratiquent sans forcément être des moines, mais ce qui est dit s'adresse toujours à des gens qui sont déjà concernés par le bouddhisme. C'est pas une manière, je peux pas, moi qui ne suis pas du tout bouddhiste, je ne pourrais pas me dire tiens, je vais appliquer les préceptes que j'ai lus ou ce que vous me dites dans ma vie intérieure. Oui, il y a en fait dans le bouddhisme, il y a ce qu'on appelle le sangha, c'est-à-dire la communauté des disciples. Et donc le discours du Bouddha n'est pas un discours universel que tout le monde devrait appliquer. C'est-à-dire est bouddhiste celui qui prend l'engagement et des vœux en quelque sorte de cheminer dans cette voie, avec une distinction entre d'une part des moines, c'est-à-dire des personnes qui renoncent à leur famille. Alors, on peut utiliser le terme de moine, même si le terme en sanskrit, c'est bhikkhu, hein, qui veut dire mendiant. C'est-à-dire qu'on met l'accent sur le fait que la nourriture qu'ils consomment, ils ne l'ont que par la mendicité. Comme le Bouddha, d'ailleurs. Ils n'obtiennent que par la mendicité. Mais comme c'était le cas dans toutes les traditions ascétiques de l'Inde ancienne. Donc, il y a d'une part, on pourrait dire, des moines qui s'astreignent à une discipline, un chemin de vie difficile. En tout cas, pour le commun des mortels, c'est difficile. Et il y a aussi ce qu'on pourrait appeler des laïcs, même si le terme aussi n'est pas très adéquat. En tout cas, la traduction par laïc n'est pas forcément très adéquate, mais on pourrait dire ce qu'on appelle plutôt des maîtres de maison, c'est-à-dire des personnes qui vivent en famille, mais qui appliquent un certain nombre d'enseignements bouddhistes en ayant à la fois pris refuge, c'est-à-dire témoigner d'une confiance dans le Bouddha, et en même temps en ayant pris des vœux. Par exemple, le premier vœu, c'est s'abstenir de porter atteinte à la vie. Donc le Bouddha ne demande pas à tout le monde de cela, mais à ceux qui entrent dans ce chemin, de dire le premier engagement que vous prenez, vous ne portez pas atteinte à la vie. La tradition zen s'appuie aussi sur des histoires. Alors, ce sont des histoires, des petites phrases ou des énigmes, des choses qui sont racontées qu'on appelle koan et qui viennent scander comme ça les textes que l'on peut lire. On va en écouter un, puis vous nous direz ensuite l'utilité de ces koan. Un moine demanda à Fuketsu : la parole et le silence appartiennent tous deux au monde du relatif et au monde de l'absolu. Comment échapper à ces deux erreurs ? Fuketsu répliqua : je pense à Conan au mois de mars et aux perdrix qui caquettent parmi les fleurs odorantes. Pourquoi vous secouez la tête, Eric Romelieu ? C'est exactement ce qu'il fallait dire. Bravo, Fuketsu. Alors, c'est vrai que le zen a aussi cette originalité d'être passé par le prisme chinois. Et donc, effectivement, le bouddhisme, et c'est aussi cette tension interne dont je vous parlais, l'Inde est une des rares contrées dans laquelle de la philosophie est née. Et on a beaucoup mis, en comparaison, la philosophie grecque et la philosophie indienne. C'est-à-dire, la philosophie, c'est par l'intellect, par la réflexion, on peut connaître, se connaître soi-même, connaître le monde. Les Chinois n'ont pas cette culture de la philosophie. Et donc, les messages du Bouddha, et notamment dans sa radicalité, ont été repensés à partir de ce qui se faisait en Chine. Donc, ce qu'on vient d'entendre, c'est, on trouve ça même chez les taoïstes, hein, chez Chuang Tzu, il y en a de très belles histoires. Donc, d'utiliser, on pourrait dire, des historiettes ou ce mode pédagogique de raconter, avec cette particularité qu'effectivement, peut-être dans les histoires zen, c'est qu'elles sont incompréhensibles, c'est-à-dire qu'elles échappent à toute volonté de toucher. C'est énigmatique. Alors, soit on la comprend, soit on la comprend pas. Donc, si on la comprend pas, on va dire, on n'y comprend pas, c'est énigmatique. Et par contre, et l'idée, c'est alors ce qu'on appelle justement la recherche, parce qu'effectivement, il y a cette notion du langage, de dire c'est à la fois l'organe obstacle, c'est-à-dire que par le langage, on peut aussi se transformer. Mais dans le zen, on va parler de la parole vive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir dire quelque chose qui soit à même de couper court au langage, par le langage. Je répète, couper court au langage, par le langage. Donc il y a donc cette formule. Alors ça s'est figé, donc après on a fait des recueils. Mais effectivement, quand on lit, par exemple, je peux vous en raconter une qui est très très connue. C'est un moine qui va dans le monastère. Alors peut-être qu'il est plus facile à comprendre ou à entendre. Un moine va dans le monastère du maître Zen Joshu et lui dit je suis là depuis quelque temps, vous ne m'avez pas enseigné, est-ce que vous pourriez m'enseigner quelque chose ? Et le maître Zen lui dit, as-tu fini ta soupe ? Le moine lui dit, oui, alors va laver ton bol. Voilà, donc c'est justement, donc là c'est peut-être plus simple à entendre, c'est-à-dire que là, il y a une attente, une attente d'un savoir, une attente d'une expérience. Et là, par le langage, il y a une sorte de tranchoir là, qui tombe en disant « tu as tout faux ». Tu as tout faux. Sauf qu'il n'y a pas vraiment de faux non plus. Oui, mais vous me comprenez. Et nos auditeurs me comprennent. Alors, oui, on va prendre un cas particulier justement de ces koans, où comment un récit peut donner lieu à un malentendu ou une quête qui parfois, parce qu'elle n'aboutit pas, vous avez bien dit que la quête n'aboutissant pas était peut-être une quête réussie, peut quand même être douloureuse. On va entendre un texte de Natsune Soseki qui s'appelle La Porte, et dans lequel on entend comment un maître dit à celui qui veut s'adonner à l'exercice même de la méditation, on va y venir, il lui indique le sujet de sa méditation, il lui indique une phrase, il lui dit « avant la naissance de père et mère, vers l'avenir ». C'est tout. Et voici ce qui se passe. Tout en faisant fumer un mince bâton d'encens, il s'assit comme on le lui avait enseigné. Cette chambre, qui pendant la journée ne lui avait pas paru tellement froide, dès le soir devint rapidement glaciale. Et dans cette position assise, le manque de chaleur de l'atmosphère l'incommoda au point qu'il en éprouva des frissons dans le dos. Il médita. Dans sa tête, il y avait un défilé de toutes sortes d'images. Certaines très nettes, d'autres indécises, telles des nuages en mouvement. D'où venaient-elles et où allaient-elles, il n'en savait rien. Dès que les premières venues s'effaçaient, apparaissaient aussitôt les suivantes, de sorte qu'elles se succédaient sans interruption, d'un côté à l'autre. Cependant, à rester ainsi immobile, ses genoux commencèrent à le faire souffrir. Sa colonne vertébrale, qu'il maintenait allongée et toute droite, graduellement se mit à se courber en avant. Il se décida à planter un nouveau bâton d'encens et repassa à peu près par les mêmes expériences qu'auparavant. Finalement, il se fit ce raisonnement. Du moment qu'il s'agit de méditer, que l'on médite assis ou couché, ce doit être la même chose. Il étendit donc sur les nattes les matelas et couvertures légèrement malpropres qui étaient pliés dans un coin de la chambre et s'y glissa. Mais dès lors, comme il était depuis déjà un bon moment accablé de fatigue, avant qu'il ait eu le temps de penser à quoi que ce fût, il tomba dans un profond sommeil. Cette tentative de méditation ratée a lieu sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie. Nous parlons du bouddhisme cette semaine, aujourd'hui en compagnie d'Éric Remeluer, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Le bouddhisme n'existe pas »,« Le bouddhisme engagé »,« Les bouddhas naissent dans le feu », et un ouvrage qui s'appelle « S'asseoir, tout simplement, l'art de la méditation zen ». Autant vous dire, chers auditeurs, que vous aurez tous les secrets de la méditation en main à la fin de cette émission, en tout cas suffisamment pour comprendre que ce qu'on vient d'entendre est assez emblématique d'une méditation qui n'aboutit pas forcément, parce que ce qui se passe ici, c'est un récit de, peut-être d'échec, en tout cas de douleur, de quelque chose qui ne fonctionne pas et qui fait partie aussi de la méditation. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir fait passer ce texte, parce que on enjolive la méditation comme si, alors que ça soit dans toutes ses formes, comme si immédiatement tout est résolu et tout va bien, etc. Plus on entre dans ce chemin, plus on s'aperçoit de ses propres résistances au changement. Avec ce paradoxe que le changement, ça pourrait venir dans un claquement de doigts. Et c'est, tout le zen va dire, il suffit d'un claquement de doigts. Et si vous lisez tous les textes, notamment indiens, les bodhisattvas, c'est-à-dire les êtres éveillés, n'arrêtent pas de claquer des doigts. Et quand ça claque des doigts, bah, tout se transforme. Et de dire, qu'est-ce qui nous empêche de claquer les doigts et de changer? En fait, nous sommes dans une sorte de résistance au changement, et aussi donc la méditation est parfois une longue errance dans le néant, mais pas le néant positif, un néant négatif de doute, de d'incompréhension, de problèmes où rien ne se passe. Et ça, il faut le dire, parce que c'est aussi l'expérience des méditants, mais en même temps, toute la pédagogie, c'est notamment des enseignants, et c'est pour ça aussi que les enseignants sont primordiaux, d'essayer de trouver une habileté ou des moyens ou des techniques qui vont permettre de s'extraire de cette manière d'être engluée. Pourquoi résistons-nous au changement ? Vous avez dit la méditation est difficile parce qu'on voudrait changer d'un claquement de doigts et en fait nous résistons. Oui. Pour le bouddhisme, c'est on pourrait dire c'est notre insécurité fondamentale. C'est-à-dire que vraiment l'enseignement du Bouddha de dire les êtres, parce que c'est même pas l'être humain, c'est les êtres sont on pourrait dire consubstantiellement marqués par une sorte d'insécurité fondamentale et que toute leur vie est un essai de construire une sécurité mais qui leur échappe en permanence. Mmh. Et que tout le propos, ça va être, le changement, c'est de dire, est-ce que l'on peut vivre hors de cette insécurité ? Mais on est pris par cela. Et ça, c'est beaucoup de désarroi aussi, parfois, dans la méditation. Et effectivement, même, je rencontre des cas douloureux aussi de personnes qui, au bout de 10 ans, 20 ans, disent, mais j'ai perdu mon temps. J'ai perdu mon temps. Et effectivement, ils ont peut-être perdu leur temps. Donc c'est aussi des expériences qui existent. Qu'est-ce qu'une méditation réussie ? Est-ce que ça a un sens de parler de méditation réussie, là, on a entendu ? Bah, réussie, c'est... Là aussi, c'est dangereux, ces termes. Mais disons, une méditation réussie, c'est celle où je ne saurais même plus que j'ai médité. Moi, je dirais ça, puisqu'en fait, c'est se placer dans un état hors de tout ce qui est connu. Donc, à chaque fois que c'est connu, que c'est qu'on puisse l'appréhender, qu'on puisse dire c'est bon, c'était pas bon, on est encore en dehors. Moi, j'ai été formé par un maître japonais, qui est pour moi un Bouddha éveillé, j'ai pas peur d'employer ce terme, qui est un japonais, qui est toujours vivant, même s'il est très très âgé, et qui avait cette particularité d'avoir été formé au Japon, dans les années 50, à la lecture de Maître Eckhart. C'est-à-dire que Maître Eckhart a été redécouvert par l'Occident assez tardivement, dans les années 70, 80 ou plus tard. Par contre, Eckhart a été traduit en japonais dans les années 20, 30, grâce aux phénoménologues, puisqu'en fait, il y avait tout un courant de la phénoménologie des disciples de Husserl qui étaient au Japon et qui avait fait connaître et traduire. Et pour les Japonais de ces moments, Eckhart, pour eux, était le zen. Il y avait une sorte de confluence naturelle, ou en tout cas quelque chose de très proche. Et je me rappelle toujours que ce maître japonais que j'ai suivi, plutôt que de commenter des textes bouddhistes, commentait des textes de Maître Eckhart, et plus particulièrement des sermons allemands. Et plus particulièrement encore, le plus souvent, qui était un sermon de Maître Eckhart, qui est un commentaire des Béatitudes sur la pauvreté en esprit. Et à un moment, Eckhart dit, si j'ai bonne mémoire, parce que j'ai pas le texte sous les yeux, que la véritable pauvreté, c'est ne rien vouloir, ne rien savoir, ne rien avoir. Et pour ce maître que j'ai suivi, donc je peux donner son nom, il s'appelle Ryotan, la pratique même de la méditation, c'est de nous mener dans un lieu où il n'y a ni vouloir, ni avoir, ni savoir. Donc, une méditation réussie, je dirais, c'est cela. C'est une manière de s'éteindre à soi-même ? À s'éteindre à ses peurs. Voilà, c'est aussi toute la difficulté, parce que c'est pas de suite, quand on utilise tous ces mots qui sont des mots, on pourrait dire, apophatiques, négatifs, il y a notre peur naturelle qui va dire, mais, et moi, est-ce que je vais pas disparaître ? En fait, non, on va pas disparaître. C'est nos peurs qui disparaissent. Et de dire que si on atteint ce lieu, on est en capacité après de réintégrer la vie avec son langage, tout ce qui fait l'ordinaire de la vie, mais d'une manière libre, détachée, sans peur, sans manipulation, sans négociation, dans une très grande fluidité. Mais peut-on se défaire, se protéger de la peur sans, du même coup, renoncer et perdre les sentiments très forts, plus positifs, la joie, la gaieté, l'enthousiasme? Oh bah, je sais pourquoi pas, on peut se défaire que des sentiments négatifs? Non, c'est pas sans, en gardant le positif, ou est-ce que finalement on n'est pas dans une forme de je le pense pas en termes de détachement de, je le pense neutre. Pas en termes de sentiments d'affect comme vous voulez. Non, même c'est pour moi c'est quelque chose de différent de l'affect. Pour moi la peur c'est pas forcément la peur qui est visible au quotidien lorsque j'ai peur de quelque chose, mais quelque chose de beaucoup plus ancré quand on lit Heidegger sur le souci pour la mort, etc. Donc l'angoisse, voilà, vous voulez dire, ce qui n'a pas d'objet. Et peut-être l'angoisse, en tout cas au sens heideggerien, et peut-être ce qui est le plus proche, dire qu'il y a quelque chose vraiment au fond et qui parfois est, on ne la voit pas, on ne l'observe pas, parce que toute notre vie est d'essayer de construire une vie pour oublier ça. Pour oublier cette angoisse. Et effectivement, il y a plein de gens qui sont... Voilà, et à certains moments, bah, ça ressurgit, cette angoisse, parce qu'on est malade, on va mourir, on voit quelqu'un qui nous est cher, qui disparaît. Et donc là, on est renvoyé à cette à notre finitude. Donc cette angoisse ressurgit. Mais cette angoisse, c'est pas de l'ordre de l'affect. Et pour moi, une des caractéristiques aussi du bouddhisme, c'est d'être joyeux. Il y a quelque chose de la joie. C'est pas comme, c'est aussi que la joie. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont travaillé. Je crois il y a aussi Michel Henry qui a travaillé sur cette notion de joie qui est la véritable joie est sans objet. Elle vient de quelque chose. Elle vient du très fond de soi quand quelque chose est libre et fluide et naturel. Donc c'est comme ça que moi j'entends la joie. Et tous les enseignants bouddhistes que j'ai pu rencontrer sont des gens hilares et joyeux. Voilà, c'est ça aussi qui est sympa. Il existe des règles pour la méditation, pour bien méditer. Oui, parce que effectivement, c'est là aussi tout le paradoxe. Donc, est-ce qu'il faut chercher ou est-ce qu'il faut pas chercher? Est-ce qu'il faut faire ou est-ce qu'il faut pas faire? Donc, effectivement, on va dire ultimement, c'est il ne faut rien faire. Mais si je vous dis vous asseyez et vous ne faites rien, bah, il va pas se passer grand chose. Donc, effectivement, il y a une sorte de pédagogie où on va commencer par faire. Et donc, on va vous proposer de vous mettre dans une sorte de disposition physique, mentale. Alors, on rajoute toujours la disposition du souffle, hein. C'est pas juste binaire, c'est toujours ternaire dans les présentations de la méditation. Donc, on va vous demander de vous placer dans une discipline du corps, de l'esprit, du souffle, d'appréhender, déjà de se poser, et une fois qu'on est posé, d'avancer là-dedans, et peut-être jusqu'au moment où on va reconnaître, peut-être en un claquement de doigts, peut-être au bout de 20 ans, que faire est inutile. Alors on va écouter Dogen, vous en parliez, le moine Dogen, qui donne ses, je n'ose pas dire recommandations ni suggestions, mais qui décrit l'art de la méditation. Le voici. Étudier le zen revient à s'asseoir en méditation. Pour la méditation assise, il convient d'un lieu tranquille. Il faut y étendre un carreau épais, sans laisser le vent ou la fumée y entrer, ou la pluie et l'humidité y pénétrer. On doit préserver l'endroit où on se tient. Autrefois, il y eut des exemples où l'on s'asseyait sur du diamant ou sur une pierre. Mais tous s'asseyaient en disposant une épaisseur d'herbe. Le lieu où l'on s'assoit doit être clair et ne doit pas être sombre en journée ou en soirée. La règle veut qu'il soit tempéré en hiver et frais en été. On s'assoit soit dans la posture du demi-lotus, soit dans celle du lotus. Dans la posture du lotus, on met le pied droit sur la cuisse gauche et le pied gauche sur la cuisse droite. Les orteils ne doivent pas dépasser les cuisses et ne doivent pas être décalés. Dans la posture du demi-lotus, on met seulement le pied gauche sur la cuisse droite. On doit redresser le corps et s'asseoir droit. Il ne faut pencher ni à gauche ni à droite, ni en avant ni en arrière. Les oreilles doivent être bien sûr alignées avec les épaules et le nez avec le nombril. La langue doit être placée contre le palais et la respiration passée par le nez. Les yeux doivent être ouverts, ni peu ni trop. Le corps et l'esprit étant ainsi accordés, on doit respirer une fois la bouche entrouverte. Fixe et immobile, étant établi dans l'assise, on pense l'impensé. Comment penser l'impensé? Sans penser. C'est là l'art essentiel de la méditation assise. Avant de commenter l'art essentiel de la méditation assise, Éric Rommelier, dites-nous un peu plus sur Dogen. Qui était-il au XIIIe siècle? Pourquoi est-il toujours important pour la tradition zen du bouddhisme? Alors, il est important à plusieurs titres. C'est-à-dire qu'il est une des personnes qui introduit le zen au Japon, qui fait tout un périple difficile, puisque à l'époque, on ne prenait pas le train ou le bateau de la même manière qu'aujourd'hui. Donc, il s'est aventuré en Chine pour apprendre le zen, car le zen, il voulait l'apprendre et il n'était pas ou peu connu au Japon. Donc, il est aussi il est important parce qu'il est révéré comme le fondateur d'une école zen qui aujourd'hui est la plus importante numériquement au Japon, qui s'appelle l'école Soto. Il a aussi comme particularité d'avoir été un écrivain prolixe, qui a laissé une œuvre colossale, incompréhensible, il faut bien l'avouer, c'est un moine zen, mais il avait été formé auparavant dans une école qui s'appelle l'école Tendai, qui est une école qui met l'accent sur l'herméneutique, sur l'interprétation des textes. Et donc, toute son œuvre est traversée par une réflexion sur le langage. Et donc, il écrit en triturant le langage. Peut-être le plus proche dans notre horizon, c'est des gens comme Heidegger ou comme Lacan qui vraiment font du langage un objet en tant que tel, et donc ils sont prêts à le travailler en profondeur jusqu'à l'incompréhensible. Donc il laisse une œuvre colossale qui a été remis au goût du jour par des philosophes japonais au début du XXe siècle, les mêmes qui mettaient en valeur Eckhart. Et c'est une œuvre alors qu'on va pas appeler philosophique, mais qui essaye de redire le bouddhisme autrement, en d'autres mots, etc. Voilà. Et si on l'écoute bien dans le texte qu'on vient d'entendre, il y a quand même une bonne manière de méditer plus qu'une autre. Il faut commencer par s'asseoir déjà. Oui. Alors, c'est le titre de votre livre. Là, justement, malgré tout, il est assez incompréhensible, mais il a quand même laissé des textes compréhensibles. Oui, là, c'est très clair. Mais si on écoute ce texte, alors ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'il ne donne jamais une indication sur ce que l'on fait en méditation, c'est-à-dire que on pense la méditation comme une sorte de quelque chose que l'on fait avec l'esprit. Ouais. Or la pratique du zen, c'est ne rien faire avec de l'esprit et avec l'esprit. Et tout ce qu'il indique dans ce texte, il ne parle pas de la méditation, mais il parle des conditions de la méditation. Donc il va donner les conditions extérieures. Pas que ce soit trop chaud, pas trop froid, etc. Les conditions physiques, il faut se mettre dans une certaine posture. Les conditions de la respiration, donc il va dire faut entrouvrir la bouche et respirer, expirer quelques fois. Et puis une attitude mentale qui est de ne pas juger, ne pas identifier. Mais il ne dit pas ce que l'on fait. Il dit simplement les conditions nécessaires pour la méditation. Donc finalement, ce texte n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Mais il part du corps, c'est ça qui est intéressant. Alors, il met une grande importance sur le corps. Est-ce que ça veut dire que on met plus en avant le corps. Certains diront oui. Je ne suis pas forcément convaincu, même si effectivement, sa description met beaucoup l'accent sur le corps. Alors, il faut savoir que ce texte est écrit pour des moines japonais de cette époque qui n'ont jamais fait de méditation zen. Et notamment, bah, il explique comment, alors je ne sais plus si c'est dans ce texte mais ou dans un autre texte, qu'il faut un coussin particulier. Donc il explique en détail la manière de s'asseoir sur ce coussin. Donc c'est... Il faut aussi le remettre peut-être dans son contexte, qui est un texte aussi pédagogique. Je suis pas convaincu que ça soit plus le corps que l'esprit. Non, mais il nous le dit suite à la description de la méditation assise ou comment s'asseoir en méditation. Il le dit, hein, c'était quasiment la dernière phrase. Fixe et immobile, étant établi dans l'assise, on pense l'impensé. Comment penser l'impensé? Sans penser. Oui, oui, oui. Donc ça, c'est un... Il reprend un koan, c'est-à-dire quelque chose qui échappe un peu à la compréhension, qui est un maître zen chinois, et on vient le questionner parce qu'il est assis en méditation. On lui dit, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Et il dit, je pense l'impensé. Donc la formule est un peu étrange, et on dit, mais comment pense-t-on la pensée? Il répond, alors exactement là, en chinois, c'est « il ne s'agit pas de penser ». Donc c'est une formule négative, mais qui dit pas exactement ce que l'on fait. Hein, c'est, voilà. Donc il ne s'agit pas de penser. C'est une méfiance à l'égard de la pensée, de la raison? Non, c'est je juste, pense c'est que inutile. C'est inutile. Non, parce que être méfiant, c'est déjà être dans la peur d'une certaine manière. Donc non, il n'y a pas une méfiance. C'est pour moi, c'est toujours cette pédagogie d'aller toujours dans les chemins de traverse pour ne pas répondre aux attentes. Mais c'est être sans arrêt dans le surgissement du nouveau. Tout à fait. De l'inconnu, c'est sortir d'une forme de répétition ordinaire. Tout à fait. Et puisque nous avons des auditeurs qui écoutent les chemins de la philosophie, je ne peux que recommander un auteur qui n'a rien à voir avec le zen, encore que, qui s'appelle Maldinet. Henri Maldinet, qui a beaucoup écrit sur la phénoménologie, et ses rares ouvrages, parce qu'il a peu écrit, sont remarquables. Et à un moment, il parle dans un de ses livres, je crois que c'est Penser la folie, quelque chose comme ça, où il dit on doit s'attendre à l'inattendu. Cette formule, pour moi, c'est elle dit exactement le zen, c'est-à-dire que tout le travail aussi du pratiquant, c'est de se placer dans une disposition où il doit, non pas espérer l'inattendu, mais attendre l'inattendu. Car c'est l'inattendu qui va lui permettre de se transformer. Si on attend l'attendu, eh bien, rien ne se passe. Rien, on reste dans notre train-train ordinaire. Mais si on se place dans cette disposition, parce que si on ne l'attend pas, l'inattendu, quand il surgit, ça peut nous mettre mal à l'aise, ou on ne le voit pas, etc. Et il dit, l'inattendu, c'est le retour au réel. Ça, c'est Maldinet. Alors là aussi, la citation n'est pas exacte, puisque j'ai pas l'ouvrage sous les yeux, mais il est vraiment sur ce point très très subtil, sur cette pointe subtile de dire, attendez l'inattendu. Et pour moi, ça serait vraiment le message du zen, attendre l'inattendu. C'est un message du zen. Oui, en tout cas, une proposition de vie. Une proposition de vie. Mais si je vous ai bien entendu, est-ce qu'on ne peut pas dire que réaliser la pratique zen, ce ne serait pas finalement sortir de l'école zen? Ah bah tout à fait. Tout à fait. Là aussi, j'ai été formé par un maître zen qui m'a initié, on pourrait dire, à des personnages de l'histoire du zen qui sont un peu exemplaires, qui ont toujours fait en sorte de ne pas s'engluer dans les attentes de ce qu'est un maître zen, et qui même ont fait le choix de disparaître ou d'avoir des actions un peu inattendues. Eh bien, merci Eric Romelière d'être venu nous parler ce matin. Merci de cette émission. Inattendu sans doute, on va renvoyer les auditeurs à votre ouvrage sur l'art de la méditation zen. S'asseoir tout simplement, on le trouve au seuil. Et puis de nombreux autres ouvrages sur le bouddhisme qu'on mettra en ligne sur les sites des chemins de la philosophie. Comment fait le,